va parler avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Les Canadiens qui ont remporté une victoire de 3-2 pour prendre les devants 2-1 dans la série. Marc, quel match encore une fois. Je parlais avec ton chum Yves Racine, puis il disait, je pense que les Canadiens vont être avantagés à cause du fait qu'il y a très peu de foule. Les gens sont habitués, Vegas n'est pas habitué de ça. Ouais, je pense pas. La saison que Vegas ont connue sans avoir eu de la foule pendant toute la saison est exceptionnelle. 82 points dans leur courte saison. C'est sûr que ça fait du bien de revoir du monde dans les estrades. Je pense pas que c'était l'élément dominant. Moi, je pense qu'il faut plus parler du rendement sur la glace. Il faut parler de Carey Price qui est intraitable. Puis hier, c'est dommage parce que Marc-André Fleury, il goûte bien, là. Mais présentement, Price est meilleur que Fleury depuis le début de la série. Et hier, l'erreur en fin de match, alors que Vegas mène 2-1 et Fleury qui a mal jugé la rondelle à l'arrière de son but, qui a permis à Anderson d'égaler la marque 2-2 et de marquer en prolongation pour la victoire du Canadien. Si jamais Vegas est éliminé, c'est sûr qu'on va revenir sur ce jeu-là, malheureusement. Et ça, c'est comme dans n'importe quoi, Marc. T'es d'accord avec moi que les meilleurs doivent être les meilleurs. Rendu là, l'équipe, les meilleurs joueurs de l'équipe qui doivent être les meilleurs, et Price est meilleur que Fleury, c'est ça, c'est une grosse différence. Ça. Oui, et je te dirais, Danny, c'est la différence, parce que si tu regardes hier, là, si on analyse le match froidement, hier, là, Vegas, on peut pas dire qu'ils ont pas sorti fort. Là. Ils sont sortis très fort, et l'exemple, après deux périodes, Danny, là, c'était 30-8 les lancers pour Vegas. OK, ouais. 30-8. Alors, je pense que on doit donner le crédit à Vegas qui sont venus fort hier. Ils voulaient gagner. Tu mènes 2-1. Il reste moins de 2 minutes à faire dans le match. T'es à l'étranger. Match numéro 3. Tous les éléments étaient là pour Vegas. Moi, je crois que le jeu du match hier, si on oublie Fleury qui fait cette erreur-là, là, c'est qu'à 2-1 pour Vegas, Price a fait tout un arrêt là, sur un genre de 2-1. C'était presque un filet désert. Price a sorti la pad pour faire l'arrêt. À ce moment-là, le match devient 3-1 Vegas. Et là, ça aurait été difficile pour le Canadien de revenir. Alors, c'est Carey Price qui, depuis le match numéro 5 contre Toronto, est la pièce maîtresse pour le Canadien. Parce que physiquement, Canadiens, ils ont pas été dominés. Là, parce que si tu regardes dans les mises en échec, là, Danny, là, ça a fini 52-36 pour le Canadien côté mise en échec. Alors, le Canadien ne sont pas intimidés physiquement. Vegas est une équipe qui patine bien. Le Canadien patine bien également. Alors, de ce côté-là, ça s'égalise un peu. Un peu plus de profondeur à l'attaque pour Vegas. Sauf que il frappe un mur à tous les fois, et puis c'est là que la différence se joue. Comme dans Toronto, Toronto avait une plus grande puissance offensive que le Canadien, mais Price a réussi à neutraliser les Marner, les Matthews et compagnie, alors que là, hier, Price a fermé la porte aux joueurs de Vegas, et puis ça ressemble, on va pas aller trop vite, Danny, ça ressemble à du Patrick Roy en 86-87, à du Patrick Roy en 92-93. Alors, le chemin semble favoriser le Canadien grâce à Price présentement. On va attendre encore, mais c'est pas le... Oui, l'équipe ressemble beaucoup à 93. Et par contre, il restait deux équipes majeures, Vegas et Tampa Bay. C'était 2-1 présentement, donc on est en bonne posture, ça ressemble, mais moi, je suis pas le genre à s'emballer que trop vite. Puis Marc, t'es d'accord, t'es dans la même philosophie que moi. Par contre, oui, tout ce qui arrive actuellement, c'est le fun, c'est agréable. Et le match de demain, c'est le match pivot, là. Si Vegas gagne, perd demain, je pense que ça va être très difficile de gagner 3 matchs contre le Canadien de la manière que le Canadien joue, là. Ouais, de la manière que Price se comporte, surtout 3-1. C'est une des avances les plus difficiles à surmonter. Ça. Surtout, là, t'arrives, c'est des matchs sans lendemain. Là. Tu dois battre la même équipe, le même gardien pendant trois fois de suite. Quand quand tu sais que le gardien est un mur. Alors, c'est moi, je le redis, puis c'est depuis le début des séries, on l'a dit, Danny, tant aussi longtemps que Price va être un mur, le Canadien a des chances de gagner. Mais si Price est seulement bon, ça ne sera pas assez. Comme Marc-André Fleury avec la même affaire. Présentement, exactement. Si Fleury est juste bon présentement et c'est pas assez, il doit être exceptionnel comme Price l'est. Et c'est pas le cas présent. Quand je me mets dans la peau d'un vestiaire, Marc, t'étais dans un vestiaire de hockey, quand tu vois Jeff Petrie qui a deux doigts fracturés, quand tu vois Shea Weber qui est très mal en point, qui continue à bien jouer, crime, ça doit avoir un effet d'entraînement sur les autres. On parle de Price, là, mais ça aussi, il faut en parler. Là. Ben, c'est quand ce sont tes leaders qui saignent, quand ce sont tes leaders Corey qui Perry souffrent. Aussi. Oui, quand ce sont eux qui démontrent l'exemple, tu peux pas, toi, comme jeune joueur, avoir mal à un ongle puis dire « je jouerai pas mon match ». Quand tu vois que les gars sont meurtris à gauche et à droite et ils continuent à aller à la guerre comme ils le font, ça, c'est un bel exemple à suivre. Et c'est pour ça que des gars comme Weber sont... Ce que Marc Bergevin est allé chercher à l'époque, c'était pour son leadership. C'est pour ça qu'il est allé chercher un Perry. C'est pour ça qu'il est allé chercher un Staal. C'est pour ça que ces joueurs-là sont déjà passés par ce cheminement-là. Ouais. Ils l'ont très bien fait. Puis les jeunes sont inspirés. Tu regardes Suzuki aller. Hier, Suzuki, là, il s'est fait frapper. Là. Il y a un train McNabb l'a frappé, là, Danny. C'était... il aurait pu rester étendu sur la patinoire, puis on aurait dit on le comprend, mais regarde, il s'est relevé, il est allé faire une belle passe sur le but à Caulfield qui a créé l'égalité. Alors, tu sais, là, les jeunes ne peuvent faire autrement que de suivre la parade lorsque tu as de bons leaders, et c'est pour ça, c'est Marc Bergevin le dit aussitôt qu'il est allé chercher ces joueurs d'expérience-là, il dit moi je veux monter une équipe que lorsqu'on va arriver dans les séries, on va être capable de faire face à la musique, on va avoir assez d'expérience de gars qui ont gagné la Coupe Stanley, de gars qui ont de l'expérience des séries pour aller loin, et c'est exactement ce qui se passe présentement. OK, Tampa Bay Islanders, comment tu vois ça? C'est un autre match pivot ce soir. Le match 4, c'est toujours un match pivot dans une série. Là. Ben, sais-tu quoi, Danny? Habituellement, là, lorsqu'on parle de série, on dit que les matchs 1, 3, 5, 7 sont les matchs importants, OK? Mais là, c'est sûr et certain qu'un match numéro 4, là, tu sais, 2-2 ou 3-1, là, c'est toute la différence au monde. Alors, tu sais, dans le fond, là, toutes les théories sont bonnes, là. Mais j'avoue que le match numéro 4 dans une série est Colin qui est important. Il est important à tous les niveaux. Et puis, je suis impressionné et. De la résilience et de la force de caractère de Tampa Bay. Je pense que Islanders sont une équipe très résiliente également. Mais dans cette série-là, là, les unités spéciales vont faire la différence. Écoute, le power play, là, l'avantage numérique des Islanders est quand même bon. Là. Je pense qu'il est à l'entour de 25%, Danny. Mais maudit, Tampa Bay, l'avantage numérique est à 38% depuis le début des séries. C'est exceptionnel, c'est jamais vu. Puis, on dit souvent, justement, que dans les séries à 5 contre 5, il ne se marquera pas beaucoup de buts. Ça peut être dans les unités spéciales que ça fait une différence. Et on le voit présentement, là, avec Tampa Bay. OK. Beaucoup de petites nouvelles que je veux te parler. Marc Bergevin en nomination comme DG de l'année. Moi, je suis content. J'étais un de ceux qui voulait le congédier, comme Carey Price et ainsi de suite. Moi, je suis content pour le gars. C'est un chic type, là. C'est un ami personnel à toi, Marc. Puis quand on prenait ces transactions, on disait « crime, mais ça que ça vire pas ». Tu sais, Marc Bergevin n'a jamais fait de mauvaises transactions. Comparativement à Serge Chavard, moi, Serge Chavard, j'ai un grand respect pour Serge Chavard, mais le club gagnait. Prends les transactions de Marc Bergevin, là, le club, c'était toujours des bonnes transactions, mais il ne gagnait pas. Et là, ça semble le vent semble virer à son bord. Je suis content pour lui, moi. Ben écoute, Danny, nous, les Québécois, là, nous sommes des émotionnels. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On est émotionnels. Ouais. Alors, moi, j'aime toujours ça, essayer d'être un peu plus rationnel. Puis moi, j'essaie de regarder l'ensemble de l'œuvre à la fin et de juger par rapport à ça. Nous, Canadiens gagnent, on signe tout le monde pour 10 ans, puis on s'en va faire préparer la parade de la Coupe Stanley, puis on perd, puis c'est échanger tout le monde, puis c'est tout des pas bons. Mais c'est une business de résultats, Marc. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est 100% raison. Oui. Mais regardez, Marc Bergevin, il s'est fait. Il est arrivé, on fait un petit recap, là. Il est arrivé avec les Canadiens, c'était une lune de miel pendant 2 ans à cause de sa personnalité attachante. Puis il sortait de Pierre Gauthier aussi, là. Pierre Gauthier, ouais, exactement, tout le monde exactement. Monsieur, là. C'était ridicule aussi, là. C'était un traitement choc quand Marc est arrivé. Ouais. Ensuite de ça, là, hey, Marc a fait son chemin de croix, là, on va se le dire, là. Fait qu'il était plus souvent qu'à son tour critiqué, il s'est fait lancer des tomates. Mais l'affaire que je vais toujours respecter de Marc, c'est que peu importe la critique qu'il a eue, il a toujours gardé son plan en tête. Il a dit, garde, je veux construire. Parce que ça, on revient là, dans les 3 ans passés, il n'y avait pas un chat à Laval qui était susceptible de monter avec le Canadien. Puis sur la glace à Montréal, ça s'en allait nulle part, il n'y avait rien. Tu regardes 3 ans plus tard, ils ont monté une belle équipe présentement. Il y a une belle relève qui s'en vient. Ben, ça d'ailleurs, c'est mon prochain sujet, là, mais continue, puisque je veux te parler de Joël Bouchard. Oui, alors, le Canadien, si tu regardes nos jeunes qui s'en viennent, c'est merveilleux, là, tu sais, avec Caulfield, avec Suzuki, avec Romanov, avec toute la relève du Canadien qui s'en vient, on pense à un avenir qui va être prometteur, mais également, présentement, là, ils sont sur une plateforme où ils peuvent se rendre jusqu'au bout. Et puis, de la manière que le chemin se dessine là, ça s'annonce bien pour le Canadien. Alors, tu sais, là, Marc, donnons-lui crédit aujourd'hui. Là. Quand c'était le temps de le critiquer, on l'a fait, même moi, là, c'est mon ami personnel. Puis, j'ai critiqué à l'occasion sur certaines décisions. Mais il faut faire la part des choses. Là, oui, oui. C'est correct, là. On parle pas contre l'individu. Non. On parlait des décisions du directeur général. Mais aujourd'hui, Krim, il faut admettre que les décisions qu'il a prises rapportent, et puis c'est tant mieux, mais je sais que tu vas m'amener sur le terrain à Joël Bouchard. Ouais, mais avant, je vais te parler de Lula Moriello, mais continue. Oui, mais c'est ça qui est beau avec le Canadien, c'est que l'héritage que Marc Bergevin est en train d'amener à cette équipe-là est excellente. Il y a une bonne relève. On les développe bien à Laval avec Joël Bouchard. On fait une bonne job à Montréal avec les vétérans qu'on a présentement. Et puis, c'est ça qu'on veut à Montréal. Et puis, c'est tant mieux s'ils réussissent à avoir ce succès-là présentement. Bon, je veux, avant de parler de Joël Bouchard, parce que c'est un sujet que je vais parler avec Anthony Marcotte, qui est le descripteur radiophonique du Rocket aussi aujourd'hui, mais je veux te parler de Lou Lamoriello. Quel bonhomme! Quel bonhomme! Ce gars-là, il a 77 ans. Il est en train de transformer les Islanders. Lui aussi est en nomination comme DG de l'année. Tu sais, on parlait des Leafs de Toronto, là. L'une des pires gaffes des Leafs, c'est probablement la pire gaffe des 5-6 dernières années des Leafs, c'est pas avoir gardé Lou Lamoriello. Lui aurait changé la culture perdante de cette équipe-là. Ben, c'est sûr, hein. C'est comme on dit dans les termes, c'est un vieux routier, hein. Oh, c'est ouais. Un gars qui, avec New Jersey, il avait créé une identité incroyable avec cette équipe-là. C'est sûr qu'avec un Martin Brodeur à la base, tu peux construire n'importe quoi alentour. Mais qu'est-ce qu'on disait des Devils du New Jersey à l'époque, Danny? C'était une équipe. Oui, le système d'équipe, une équipe unie, systématique, avec un entraîneur, un directeur gérant qui était dans la même direction. Qu'est-ce qu'il a fait avec les Islanders? Même affaire. Exactement la même chose. Il est allé chercher un Barry Trotz qui est très, très systématique, un gars qui est très rassembleur. Ils ont monté une équipe de gars. Il est allé chercher justement à Jersey des Palmieri, puis ces gars-là qui fitaient bien dans le système qu'ils ont créé. Puis tu as raison, là, c'est tout en l'honneur de Lou Lamoriello, puis regarde, il est en nomination avec Marc Bergevin. Je sais que les gens vont dire, voyons, Bergevin, le Canadien était ordinaire dans leur saison, mais si, à moi que tu me corriges, Danny, mais je crois que c'est la saison régulière plus les deux premières rondes. Ouais, cette année, c'est là. Ça. Normalement, oui, normalement c'était autre chose, là, mais cette année, dans l'année COVID, ils ont rajouté les deux premières rondes. Alors, je crois que Marc Bergevin mérite d'être là. Et que comme les trois nominés, et puis mais t'as raison de parler là, de quelle équipe on a monté à Islanders. Peu importe s'ils battent Tampa Bay, c'est une belle équipe en devenir. Ça allait aussi nulle part, les Islanders aussi. Là. On ne peut pas dire que depuis les quatre dernières conquêtes de la Coupe Stanley, là, que c'était un club qui... Ils ont fait une couple de fois les séries, mais puis ils avaient battu Pittsburgh en 93, mais depuis les belles années de Mike Bossy, là, ça faisait du surplace en tabarouette. Là. Danny, c'était du n'importe quoi à New York. Ouais. Écoute, ils ont pris un gars, Gard Snow, qui avait signé comme goaler, qui s'en allait nulle part. Lui, là, une des premières choses que Gard Snow a faites quand il était avec les Islanders, je me souviens bien, il avait signé son chum Di Pietro pour 15 ans. Ouais. Un gardien de but, tu signes ça 15 ans, c'est-tu du n'importe quoi? L'aréna qui était en train de tomber à terre, ils ont déménagé à Brooklyn, ça marchait pas. Ils reviennent dans le vieux Nassau Coliseum qu'ils ont rénové. Ça s'en allait nulle part. Et là, ils sont en train de devenir une des puissances de la Ligue nationale. Ils ont retrouvé leur identité. On ramène les belles années des Bossy, Potvin, Trottier et compagnie, parce que c'était une dynastie incroyable, les Islanders, dans les années début 80, là, au fin des années 70. Alors, ils font une belle job, c'est tant mieux, ils méritent bien ça à New York. Bon, là, c'est un des sujets principaux que je vais t'emmener. Martin Leclerc, au 91.9 cette semaine, a dit quelque chose qui est inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Il a dit, j'entends toutes sortes d'histoires concernant Joël Bouchard, des histoires qui... Bref, parce que Joël n'a plus de contrat avec l'Organisation du Canadien, des histoires que je ne raconterai pas en nombre, mais juste par le ton de Martin Leclerc, ça sentait pas bon sur un retour de Joël Bouchard. Ce gars-là, tantôt on parlait de Laval, mais ce gars-là a transformé la culture du Rocket de Laval. Souviens-toi, là, Sylvain Lefebvre, c'était pas chic. Là. Il a fait de Jake Evans un joueur de hockey. Ryan Pelling est en train de se replacer comme un prospect solide. Le Rocket, c'est sûr, c'était une année ordinaire, mais tout le monde, ce qu'on entend, c'est que Joël Bouchard fait un job incroyable. Ce gars-là doit, à mon idée, là, c'est tellement un poste important, le poste d'entraîneur-chef dans l'équipe école pour bien développer ses jeunes. Joël Bouchard, à mon avis, doit quasiment être payé comme un entraîneur de la Ligue nationale ou pas loin là, pour rester à Laval puis de bien développer ces jeunes-là. Es-tu d'accord avec moi? Non, ben, je suis pas d'accord qu'il faut que tu sois payé comme un entraîneur de la Ligue nationale. Pas loin, là. Je te dis, ou d'être traité comme un... Oui, il doit être traité avec respect, sauf que Danny... c'est inquiétant sur une chose à Laval. C'est inquiétant, à mon avis, c'est que si Joël Bouchard il s'en va, c'est parce qu'il va s'en aller pour mieux. Là. C'est parce qu'il va monter dans la Ligue nationale, soit comme entraîneur ou entraîneur adjoint. Mais ça me surprendrait que le Canadien le laisse aller juste comme ça parce qu'il ne s'entend pas monétairement sur un contrat. Là. Je vais être le gars le plus surpris au monde. Moi, je pense que Joël Bouchard est à Laval pour y rester s'il le désire. Ben, si ça aurait été lui hier, me semble que ça aurait dû être lui qui aurait... T'es-tu d'accord avec moi? Non, je ne sais pas quoi. Non. Okay. Pas dans ce moment-là. À ce temps ici de l'année, Danny, t'as besoin d'un gars là, pour changer les lignes. Là. Rendu là, c'est la tactique qu'on va laisser faire dans les entraînements, puis les affaires-là de corriger, et puis de correction. Là. Qu'est-ce que tu dois faire, là, c'est que tu prends tes joueurs qui sont déjà dans le bain, ils ont déjà le pouls de qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire. Burroughs, là, tu penses-tu qu'il a pas parlé avec Dominique Ducharme puis les deux autres? Puis là, c'est sûr que Ducharme, il a dit à Richardson et à Burroughs, « Hey, regardez, gars, tu vas matcher Dano contre cette ligne-là, tu vas mettre Suzuki contre eux autres, je veux que le pipi, ce soit ça. » Puis on te donne les changements, ça l'aidait aussi, là. Oui. Non, je vais te dire une chose. Ils sont habitués. Écoute, le Burroughs et Richardson, là, ça fait un bout de temps qu'ils travaillent. Ils ont travaillé avec Claude Julien, Richardson et Dominique Ducharme. Ensuite de ça, les gars, ça fait un bout de temps qu'ils travaillent avec Ducharme. Les gars savent, la machine est rodée. Tu as besoin d'un gars qui allait faire un bon match-up pour le match d'hier, mais tu veux pas amener un sang nouveau du gars qui n'est pas à l'aise et les joueurs sont pas à l'aise. Non, moi, je suis d'accord avec la décision d'hier. OK. Mais Joël, en revenant à Joël, ce serait une très lourde perte. Hein, Absolument. Ce gars-là, c'est une perle. C'est une perle. Moi, je le connais personnellement. L'attitude de ce gars-là est impeccable. Quand tu parles d'un gars qui réunit, quand on parlait, mettons, de... Barry Trotz ou des gars qui réunissent une équipe. Là, Joël Bouchard, il est impeccable. C'est un professeur exceptionnel. avec une belle personnalité. Puis moi, à mon avis, si Joël Bouchard s'en va, c'est qu'il va s'en aller pour mieux. Oui, en espérant. Dernière question, Marc. Nicolas Roy, tu dois être content de son rendement et le fait qu'il s'est fait un trou dans la Ligue nationale. Tu sais, pour les gens qui ne se rappellent pas, tu avais donné 3 choix de première ronde à l'époque pour aller chercher avec les Saguenay de Chicoutimi, parce que c'était un choix de tout premier choix overall. Es-tu content? Je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de Nicolas. Hier, là, honnêtement, puis c'est pas... Nicolas était le meilleur joueur sur la glace pour Vegas hier. Il a marqué le premier but. Ce petit gars-là a progressé. Moi, le point d'interrogation que j'avais sur Nicolas, c'était son coup de patin, ouais. Son accélération. Je l'ai regardé aller hier. Là, honnêtement, Danny, il a vraiment amélioré son patin. Il n'est pas encore au niveau, là, mettons, de top NHL, là. Mais il est capable de suivre la parade. Mais il a un sens du hockey exceptionnel, il a une bonne vision du jeu, il est quand même à égoutte. Il a beaucoup de leadership aussi, je me rappelle avec les Saguenay, c'est un gars qui était un leader incroyable là, avec les Sags à l'époque. Oui, mais tu sais, il est arrivé à 16 ans, il mesurait 6 pieds 4 de 200 livres à 190 livres. Il est dur à développer. À 16 ans, il est probablement rendu à 6 pieds 5, 200 quelques livres. C'est une bonne pièce d'homme, mais c'est un petit gars exceptionnel qui vient de parents. Les deux sont professeurs d'école. C'est un petit gars qui était très sérieux. Puis juste faire un clin d'œil à ça, Danny, je vais me souvenir de ça toute ma vie. Quand il est arrivé avec les Saguenayens, première journée que Nicolas arrive, un grand 6 pieds 4, tout maigre, avec ses petites lunettes. Il avait un sac à dos Pokémon. Imagine-toi donc, toi. Les Pokémon... Il arrive à 16 ans dans la région. C'est pour te démontrer comment que le gars... c'est un enfant là, qui est arrivé avec les Saguenayens à 16 ans. Puis tu le regardes aujourd'hui, la progression qu'il a fait. Chapeau, il a travaillé fort. Il a fait sa place. Il avait été déçu parce que il avait été un premier choix overall junior majeur. Mais il a quand même sorti choix de 4e ronde avec la Caroline. Il avait été déçu de ce côté-là. Mais quelle belle histoire, Nicolas Roy, et chapeau, et je suis vraiment fier de lui. Un joueur d'un centre de 6-3, en partant 6-4, 6-5, un grand format, c'est plus long à développer que Marc, pour ça aussi. Ouais. Beaucoup de palais, mais tu sais, il manquait de maturité, là, tu sais, lui, il arrivait de la BTB, là, puis, rien enlevé, là, en Abitibi, mais peut-être que le programme de développement des joueurs à Québec, à Montréal... Ou à Amos, d'après moi, c'est pas le même. Là. Ouais. Il y a de la compétence partout, mais t'as peut-être pas les mêmes outils à toutes les places. Là. Alors, Nicolas s'est développé sur le tard, lui. Là. Il est arrivé, puis comme tu dis, quand t'as 16 ans, t'as 6 pieds 4. Là. D'après moi, tes muscles ne sont pas encore développés au maximum. Là, t'as plus développé tes os que tes muscles, on s'entend là-dessus. Là. Alors, c'est un gars qui s'est développé plus sur le tard. Il a atteint sa maturité plus à 22-23 ans. Et puis là, présentement, là, c'est un atout important. Un bon joueur de troisième trio, je pense. Un bon centre. Très bon. Très bon centre du troisième trio d'Angleterre. Marc, merci beaucoup. On a fait pas mal le tour. On va aller écouter la France qui joue actuellement contre la Hongrie. Merci, on s'en reparle bientôt. Parfait, Danny. Notre ami Marc Fortier.